Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. D'où vient le mal? Un homme ou une femme peuvent-ils soudainement commettre un crime après une vie vertueuse? Ou bien le mal se répand-il par contagion, de génération en génération, de corps en corps? David Cronenberg n'hésite pas à filmer la violence. Et plus que ça, il l'interroge. Il la met en scène non pas pour l'esthétiser, mais pour la questionner, quitte à nous faire vomir de dégoût. Derrière les images sublimes de A History of Violence et des Promesses de l'ombre, deux films sortis en 2005 et 2007, une question est soulevée. Qu'est-ce qu'un meurtre ? Je crois qu'on perd facilement de vue ce qu'est réellement un meurtre. On lit des statistiques sur les meurtres commis à travers le monde, mais ça reste des statistiques. Les journaux nous donnent des chiffres des morts en Irak, 25, 100, 200 personnes. Mais derrière ces chiffres, la réalité, c'est un corps. La violence, c'est la destruction d'un corps humain, un corps absolument unique, un seul et unique corps. Moi, je suis athée, je ne crois pas à la vie après la mort. Donc, je pense que si vous m'assassinez, je n'irai pas au paradis. Vous commettez un acte de destruction totale. Tuer quelqu'un, c'est pour moi très sérieux. C'est un acte très physique, à nul autre pareil. Donc, quand je montre un crime, je dois montrer la réalité de tout cela. Je ne suis pas en train de faire une déclaration esthétique. Je veux que le public ressente ce qu'est un corps mort. Et en studio avec moi aujourd'hui, un corps bien vivant, j'espère. Olivier Pourriol, bonjour à vous. Bonjour Adèle. Merci d'être avec nous sur les chemins de la philosophie pour parler de Cronenberg. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureuse de vous avoir à ce micro, car vous êtes, pour ceux qui l'ignorent, le concepteur, le créateur de l'expression du concept cinéphilo. C'est vrai. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de cinéphilos, ceux qui font de la philosophie et du cinéma. En fait, vous avez publié un livre, c'était il y a quoi, plus de 10 ans maintenant ? Ouais, c'est vrai. C'était. J'avais commencé à faire ça en classe quand j'enseignais la philosophie. Je me disais, tiens, c'est marrant parce que les deux extrêmes de mon cerveau, d'un côté, il y a le cinéma, c'est la plus grande passion, le plus grand plaisir. De l'autre côté, il y a la philosophie, c'est sérieux, mais c'est aussi une passion. Est-ce que les deux peuvent se mélanger ? Et je trouvais que oui, que ouais, les grands concepts m'ont toujours fait naître des idées d'histoire, de scénario, et que les films m'ont toujours fait naître des idées. Et donc, est-ce que vous avez déjà servi de History of Violence dans l'un de vos cours ou des conférences que vous donnez désormais? C'est un des films dont je me suis le plus servi, parce que c'est un des films qui m'a le plus touché, donc je suis toujours parti d'une émotion. Je trouve que le cinéma, ça donne pas simplement des idées, ça donne des idées associées à des perceptions, à des émotions. Et History of Violence, pour moi, c'est à la fois un grand film d'amour, c'est un très beau film sur la famille, c'est un film exceptionnel sur la violence, et j'ai l'impression que, pour moi, c'est le chef-d'œuvre de David Cronenberg. C'est vraiment le film où il y a à la fois son amour des films de genre, parce qu'il y a différents genres qui se croisent, et tout ça traité au niveau le plus intime et en même temps au niveau le plus épique. C'est un homme qui doit quitter sa famille pour la retrouver, et la trajectoire est extraordinaire. C'est toujours compliqué de parler justement de cinéphilo comme s'il fallait, on avait besoin du cinéma pour expliquer des concepts, ou comme si la philosophie daignait s'abaisser au cinéma. Comment est-ce que les deux peuvent fonctionner ensemble dans ce film par exemple? Bah, je trouve que ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on a entendu David Cronenberg, on voit que c'est quelqu'un d'intelligent, on voit que c'est quelqu'un qui fait un cinéma qui est éthique, précisément parce que le film de genre permet de sentir ce que c'est un corps, est-ce que c'est la destruction d'un corps. Donc il a très bien expliqué son articulation personnelle entre ce qu'il pense et ce qu'il montre, ce qu'il tourne, et c'est très pensé, c'est-à-dire l'utilisation du film de genre, ça lui permet de dire des choses philosophiques très profondes sur ce que c'est un corps, également sur ce que c'est une famille, sur ce que c'est la violence, et sur ce que c'est le mensonge aussi, et comment on tient une vie. Donc pour moi, il y a une articulation très, très stricte, très simple, c'est que les films, ce sont des fictions, ce sont des inventions qui permettent ensuite de juger sa propre vie, de traverser sa propre vie. Les films nous accompagnent et la philosophie, comment dire, quand elle est comprise, quand une idée est comprise, elle transforme aussi la vie. Donc il y a pour moi un lien très, très simple, très naturel entre les deux arts. Oui, parce que vous parlez de deux extrémités de votre cerveau, en fait, ils sont au même endroit, sans doute. Que le cinéma et la philosophie sont deux manières d'exprimer différemment un même problème. Oui, et puis ce dont je me suis aperçu en classe, quand on enseigne la philosophie, on est quand même comme en chair, qu'on est ex cathedra, on surplombe et on délivre une espèce de contenu à transmettre. Alors qu'au cinéma, on est tous du même côté, on est dans la salle, et d'avoir un objet commun à penser, c'est aussi la vocation de la philosophie. C'est pas quelqu'un qui dit à quelque chose quoi penser, c'est on essaye de penser ensemble un objet qui est proposé. Dans ce film, et son jumeau, celui qui lui succède, Les Promesses de l'Ombre, qui sort sur les écrans 2 ans après, et qui est comme le revers du film dont on va parler, mais on va évoquer les deux, hein. On pourrait dire que s'il y a une question qui est soulevée, moi je disais qu'est-ce qu'un meurtre, parce que c'est ce que disait Cronenberg dans l'archive qu'on a entendu, en fait c'est surtout la question de l'origine du mal. Et pour moi c'est la question de la famille, c'est-à-dire que... Plus que du mal, ouais. Oui, parce que ces deux films, ça répond à la question que posait Coppola avec Le Parrain, où on voyait que il n'y a pas simplement la fabrication de la violence, il y a sa transmission avec au fond la vendetta, la vengeance qui est un problème familial avec des familles qui se battent entre elles et, ou qui assurent une certaine forme de justice. Et la violence, si on regarde dans l'histoire de l'humanité, elle est traitée d'abord sous la forme de la tragédie, et c'est toujours la violence envers les proches qui est la pire, parce que c'est souvent ce qu'on a devant nous qui va faire naître la plus grande violence. Ça naît dans l'intimité. Et c'est le spectacle pire à voir. Donc ça fait naître la tragédie. Et là, ben, le cinéma de Cronenberg, avec ce diptyque, ou avec ces deux films, il montre comment la violence se transmet dans une famille, comment la famille essaye d'isoler une bulle contre un monde qui à l'extérieur est violent, et essaye de résoudre la question qui chez Coppola se terminait très mal, parce que dans Le Parrain, en fait, la violence, on ne peut pas y échapper, parce que si on veut protéger sa famille, on est obligé de devenir violent. C'était ce que nous montrait Le Parrain. Avant d'écouter un premier extrait du film et de pénétrer ensemble dans ce film extraordinaire, je suis d'accord avec vous, Olivier Pourriel, sans doute un des meilleurs de Cronenberg, il marque une rupture dans son œuvre. Les films de Cronenberg avant, on a parlé cette semaine de Crash, d'Existence, il y en a évidemment beaucoup d'autres, sont très différents des films qui arriveront après History of Violence. Oui, c'est-à-dire jusque-là, on a l'impression que le film de genre domine, il s'inscrit dans un genre, même La Mouche, hein, il y a le cinéma fantastique qui permet... Gore même. Oui, mais qui permet de traiter le corps sur le plan du corps. On voit bien que c'est un athée, donc tout ce qui se passe pour un corps, pour lui, c'est tout ce qui se passe pour quelqu'un. Et à partir de History of Violence, on a l'impression qu'il... pas qu'il fait une concession, mais que soudain, ses films deviennent à hauteur d'homme, même s'il reste des éclats de violence inouïe. Comme soudain, on est sur un plan de réalité partageable entre ce qui se passe dans la salle et ce qu'il y a dans le film, les restes, les vestiges des films de genre sont encore plus forts parce qu'on n'est plus dans un film de genre. Donc il y a, quand on voit Viggo Mortensen qui tue quelqu'un, alors qu'en fait, jusqu'ici, on avait une scène de petit déjeuner, c'était très tranquille, le contraste entre la scène de vie de famille et tuer quelqu'un est encore plus fort. Donc je pense qu'avec cet univers-là, en continuité avec notre vie, je crois que Cronenberg a atteint le sommet de ce qu'il voulait manifester quand il dit qu'un meurtre, c'est détruire un corps. On comprend bien ce que ça veut dire, parce que on a commencé autour du corps d'une petite fille, avec le corps d'une famille, et la puissance du contraste a fait qu'on sent encore mieux cette violence. Alors on va écouter non pas la première, mais la deuxième scène du film, qui commence avec un coup de feu et un cri. Sarah, honey, what's wrong? Huh? What is it, sweetie? Hmm? Daddy. Yeah? Daddy. Daddy's here. Daddy's here. There were monsters. No, sweetie, there's no such thing as monsters. You were just having a bad dream. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Rien, mon fils. Sarah a fait un cauchemar. J'ai vu des monstres, Jack. Oh, des monstres? Quel genre? Je sais pas, ils sont sortis de mon placard et ils sont restés dans l'ombre. Mmh, c'est des monstres d'ombre. Ils sont très vilains, c'est vrai, mais ils peuvent rien te faire. La lumière, ça leur fait trop peur. Il faut la laisser allumer. Qu'est-ce qui se passe, ma puce? Ça va pas? Si, ça va. Sarah fait un cauchemar avec des monstres. Mmh. Et je lui expliquais que les monstres n'existent pas. Non. Je vais laisser la lumière allumée, on ne sait jamais. Oui, c'est ça, c'est la meilleure solution, trésor. Toute la question est de savoir si les monstres n'existent vraiment pas, Olivier Pourriel, parce que la scène qui précède donnait à voir un monstre quand même. Dans la scène qui précède, on voit des monstres qui existent et qui sont qui violentent les gens au passage. On a une espèce de travelling, on est dans une voiture décapotable et on sent qu'ils tuent comme ils respirent. Ce sont des gens qui tuent et qui changent d'état, qui sont. En fait, c'est pas des monstres, c'est des êtres humains, mais qui tuent. Comme c'est des êtres humains qui tuent. C'est-à-dire, c'est des vrais monstres. C'est des gens qui détruisent des corps, qui tuent des enfants. Donc dans la scène précédente, on voit quelqu'un qui fait chute à une petite fille et qu'il assassine. Et le cri, c'est le cri d'une petite fille ailleurs, comme s'il y avait par ailleurs un tissu qui rejoignait ces deux scènes, ces deux petites filles, comme s'il y avait l'âme d'une enfant qui était violentée, qui réveillait une autre petite fille. Et on comprend bien évidemment que les monstres existent et que la famille est là pour faire exister une fiction, celle du Père Noël, c'est celle d'une fiction protectrice. Quand le père dit à la mère, j'expliquais à Sarah que les monstres n'existaient pas, clin d'œil, évidemment que les monstres existent, mais elle est, c'est trop petit pour lui dire. Et en même temps, ce qu'on entend avec le grand frère qui dit « ce sont des monstres d'ombre », le grand frère gentil. Alors c'est vraiment une famille de fiction. C'est le père qui se lève en premier quand la petite fille crie. Il a une douceur extraordinaire. C'est Viggo Mortensen. C'est Viggo Mortensen, donc c'est irrésistible. Ensuite, il y a le grand frère qui arrive et qui lui aussi est doux, donc c'est encore une famille de fiction. Lui dire quel grand frère se lève quand sa grand frère ferait ça en rassurant sa petite sœur. Donc les garçons sont féminisés, le père est féminin, la mère arrive en dernier. Bon, et il y a une espèce de cellule familiale qui est d'accord pour faire exister une bulle de mensonges, mais d'un mensonge très doux pour cette petite fille en disant les monstres n'existent pas. En même temps, il y a une définition de ce qu'est le cinéma. Le grand frère qui dit les monstres d'ombre, donc c'est-à-dire que si c'est la nuit, on est du côté de l'imagination, on peut tout imaginer. Du moment qu'il y a la lumière, on remplace l'imagination par des images. Et donc, si on laisse la lumière allumée, donc si on continue à regarder le film, on va voir normalement que les monstres n'existent pas. Donc cette scène même est censée nous rassurer, parce que ça nous emmène à un lieu d'enfance où on a tous vécu les monstres d'ombre. Et le cinéma, c'est sur un fil. Et ça annonce le film suivant, Les promesses de l'ombre. Bon, c'est le titre français, mais il y a quand même des monstres d'ombre qui existent, ils existent au cinéma. Mais l'ombre chez Cronenberg a un rôle toujours très important parce que déjà il y a tout le travail de la lumière. À mesure que sa filmographie avance, le travail est différent. Et dans A History of Violence, la lumière est dorée. Tout le film se passe à l'automne. Et ça, c'est très important parce que c'est pas simplement la façon qu'ont les visages d'être filmés. Je rappelle que la photographie, c'est Peter Sujitsky qui propose une image d'une beauté incroyable, on dirait vraiment des tableaux par moment, tellement l'utilisation de la lumière est intelligente. Mais il y a toujours ces contrastes entre ce qui se passe la nuit et ce qui se passe de jour, qui viennent, alors c'est un peu simpliste de le dire, mais je crois que c'est vrai, métaphoriquement exprimer l'ombre qui est faite sur la vie du personnage principal, dont on va apprendre qu'il n'est pas ce père de famille parfait et ordinaire qu'il semblait être. Oui, alors il y a la lumière, et puis il y a la lumière en tant qu'elle est liée à la mise en scène, c'est-à-dire que par exemple, il y a le moment décisif qu'on va entend tout à l'heure, je crois, qui est dans une chambre d'hôpital où il n'y a aucune lumière naturelle. Donc cette fois, c'est dans une cellule, on est hors de la lumière naturelle, on est un peu hors du monde et c'est un point de bascule. Et c'est au fond le moment du studio, c'est-à-dire que la lumière du dehors n'existe pas, donc c'est-à-dire que la possibilité des monstres est à nouveau là. On est dans un lit d'hôpital, c'est un endroit où on peut naître, c'est un endroit où on peut mourir, c'est un endroit où on peut se réinventer, c'est un endroit où normalement il n'y a que les êtres essentiels qui sont là. Et c'est le point de bascule du film. Et c'est un point où la lumière est artificielle. Le personnage, je le dis tout de suite, les monstres n'existent pas et le frère en chéri, oui, ce sont les monstres de l'ombre. Ils éloignent au maximum ces monstres d'un quotidien qui est absolument sans problème. Toutes les premières minutes du film, hormis la première scène qui est d'une violence inouïe, puisqu'une petite fille est abattue devant nos yeux, montre une famille, un couple qui s'aime, des enfants qui sont heureux, une famille heureuse absolument sans problème, jusqu'à ce que c'est le retournement du film qui arrive assez tard en réalité, qu'on se rende compte que le personnage principal, Viggo Mortensen, Tom Stoll, n'est pas celui qu'on croyait et qu'il a un passé de meurtrier. C'est ça en fait l'histoire du film. Oui, c'est exactement ça. Et donc, c'est une famille d'apparence, c'est-à-dire que la fiction qui est autour de la petite fille, c'est une fiction qui est généralisable. Toute cette famille vit sur une fiction qui est un mensonge, c'est-à-dire que le père de cette famille, qui est un être doux, féminin, un père moderne, qui se fait conduire par sa femme, qui fait faire les devoirs à ses enfants, vraiment un père féminisé, idéal, on s'aperçoit qu'en fait, il vient d'un monde ultra masculin, ultra violent, et il faudra qu'on revienne sur cette question d'ailleurs de l'association entre la violence et la masculinité, qui traverse les deux films. Il y a une certaine virilité qui fabrique forcément de la violence. Et cet homme qui a essayé de changer, qui a voulu quitter ce monde de frères violents, ce monde de la tragédie antique où on se doit de répondre à une violence par une violence supérieure, il a essayé d'éteindre ce cycle. Et au fond, c'est une approche chrétienne, de vouloir répondre à la violence par autre chose. Soudain, il est rattrapé par une forme d'inconscient ou alors une forme presque grecque. Il y a un texte de Simone Veil que j'adore, qui s'appelle l'Iliade ou le poème de la force, où elle dit que la violence, c'est pas quelque chose qui naît à l'intérieur d'un individu, c'est quelque chose qui traverse les êtres et qui traverse aussi bien le bourreau que la victime et qui se pose sur eux et ils n'ont pas le choix. Donc dans cette histoire de la violence, on voit aussi que la violence, indépendamment de la volonté individuelle, va posséder les individus et les traverser. Ainsi, la violence écrase ce qu'elle touche. Elle finit par apparaître extérieure à celui qui la manie comme à celui qui la souffre. Alors naît l'idée d'un destin sous lequel les bourreaux et les victimes sont pareillement innocents, les vainqueurs et les vaincus, frères dans la même misère. Le vaincu est une cause de malheur pour le vainqueur, comme le vainqueur pour le vaincu. Un usage modéré de la force, qui seul permettrait d'échapper à l'engrenage, demanderait une vertu plus qu'humaine, aussi rare qu'une constante dignité dans la faiblesse. D'ailleurs, la modération non plus n'est pas toujours sans péril, car le prestige, qui constitue la force plus qu'aux trois quarts, est fait avant tout de la superbe indifférence du fort pour les faibles. Indifférence si contagieuse qu'elle se communique à ceux qui en sont l'objet. Mais ce n'est pas d'ordinaire une pensée politique qui conseille l'excès, c'est la tentation de l'excès qui est presque irrésistible. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Cronenberg, la bande originale de History of Violence et un texte de Simone Veil que j'ai lu, l'Iliade ou le poème de la force que vous citiez, Olivier Pourriol, à l'occasion de cette série d'émissions que nous consacrons à Cronenberg et donc aujourd'hui à ce film en particulier. C'est la tentation de l'excès qui est presque irrésistible. Ici, c'est une analyse de la force et de la violence qui est quasiment anthropologique. La question de savoir si cette violence-là n'est pas absolument indéracinable de l'être humain. C'est ce que montre l'Iliade, c'est que même le mot enthousiasme, on dit, il y a un dieu à l'intérieur de toi. Si ce dieu est mauvais, ton enthousiasme, il se transforme en violence. Et c'est ce qu'on voit dans l'Iliade. Les guerriers sont possédés par, on doit inventer des dieux pour montrer à quel point ils sont capables d'aller hors d'eux-mêmes. On est possédé par la violence. Quand on l'applique sur les autres, on en est aussi victime, c'est ce que nous dit Simone Veil. Et ça veut dire qu'on est aussi détruit par la violence. Donc là, toute la question du cinéma, parce que le cinéma a toujours esthétisé la violence, et que ce soit avec, je sais pas, Sam Peckinpah dans The Wild Bunch, qui met du ralenti au moment où les gens meurent, où on tire, etc. Tout cinéaste contemporain a la tentation de mettre en scène la violence en l'esthétisant. Et là, Cronenberg, lui, il a son but éthique, qui est de montrer la destruction d'un corps. Oui, il l'a dit dès le début de l'émission, il refuse. C'est pas un geste esthétique de montrer un meurtre, c'est de montrer la destruction physique d'un corps. Voilà, et donc il veut provoquer du dégoût. Mais en même temps, il est forcément fasciné par cette violence. Et là, il a un personnage qui vient d'un passé violent. Et ce personnage, pour moi, il métaphorise le cinéma. C'est-à-dire, le cinéma de genre permet la violence. Donc Cronenberg s'est permis la violence qu'il dénonce. C'est devenu son objet unique. Et là, dans ce film, il y a un point de renversement. Son âme dit oui, mais au fond, voilà, c'est un passé dont je veux me détourner. Moi-même, comme cinéaste, j'ai assez tué de monde à l'écran. J'aimerais faire autre chose, aller vers une plus grande douceur. Et donc c'est un film qui commence comme un film de genre, entre le western, on sent que ça peut devenir hyper violent, et ça devient hyper violent, mais il y a une fin qui vise à vaincre la violence, parce que si la violence va au bout d'elle-même, elle se dégoûte d'elle-même, et dans l'Iliade on voit Achille qui finit par pleurer sur le cadavre de son ennemi qu'il a pourtant non seulement assassiné mais humilié. Et les larmes d'Achille, c'est la plus grande scène de l'Iliade. C'est le regret de l'assassin d'avoir humilié le corps de son adversaire. Oui, c'est un regret, mais c'est pas de la morale. C'est pas pour dire que c'était mal. C'est que lui le regrette à titre individuel. C'est très différent. Est-ce que proposer une lecture morale de ce film, A History of Violence, est-ce que c'est pas réducteur par rapport à la multiplicité des voix qu'ouvre Cronenberg dans le film? Oui et non, c'est-à-dire que ça montre que l'aventure de la violence, si la violence va au bout d'elle-même, elle se retourne contre elle-même. Parce qu'il y a une forme de lassitude. C'est-à-dire celui qui est vainqueur, il est tout de même perdant. De se satisfaire de voir le cadavre de son ennemi, c'est pas une satisfaction qui dure longtemps. Et donc les films qui sont violents de manière superficielle vont de manière lyrique dans la violence et ne s'arrêtent jamais, alors que ceux qui connaissent de l'intérieur vraiment le chemin de la violence, il y a un moment où la violence, elle se violente elle-même, elle s'arrête. Voilà. Et c'est ce que montre ce film aussi. Ce serait formidable, mais vous pensez que c'est le cas ? Non, mais ça sert à ça, un film. Ça sert à montrer l'épuisement. Ça va au bout, c'est comme une démonstration logique. Voilà, c'est ça le bout, ça nous montre l'horizon. Et ça ne veut pas dire qu'on est capable de ça. Mais moi, je pense que c'est contagieux quand même. C'est-à-dire que ce qu'on voit au cinéma, ça nous habite, ça nous travaille, et c'est une proposition qu'on est libre de suivre ou pas. Alors, dans le film, donc le père, Tom Stoll, tient ce qu'on appelle un diner, un petit restaurant, dans lequel un jour rentrent deux hommes, les malfrats qu'on a vus au début du film, qui ont tué la petite fille, entre autres, et qui viennent braquer en fait le restaurant, et celui-ci ne réagit pas. Les deux commencent à agresser la serveuse, et là, pour la défendre et pour défendre son restaurant, Il se retourne et alors effectue des gestes que je serais bien en peine de pouvoir effectuer, comme tout homme ordinaire d'ailleurs, qui serait incapable de faire ça. Et on se rend compte qu'en fait, il a une habileté à se battre qui est insoupçonnable. Il utilise une arme à feu aussi, il tue tout le monde. Et en 2 secondes, il devient un héros, le héros de la ville où il habite, mais aussi un héros national, parce que tout est relayé par la presse. Et là, Cronenberg joue avec un mythe américain qui est à la fois la famille paisible et tranquille, mais aussi la question de la notoriété, comment les médias construisent des héros nationaux. C'était une volonté de sa part, il l'a dit au moment du film, que d'interroger ce mythe-là, en particulier Olivier Pourriel. Oui, alors c'est le héros national aux États-Unis, bizarrement, il est toujours local. C'est-à-dire c'est le héros d'une communauté et ça vient aussi des films Frank Capra, La vie est belle. On voit que le héros américain, c'est celui qui est exemplaire dans la communauté. C'est ce qu'on appelle un rôle modèle, quoi. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence pas par utiliser une arme à feu. Il utilise l'arme de celui qui tient un diner, c'est-à-dire il utilise la cafetière. Et après, l'arme à feu, elle est là, elle se présente. Et comme c'est une situation de vie ou de mort, on se dit qu'il prend les moyens du bord. Donc à aucun moment, on ne peut soupçonner que cet homme a un passé d'assassin. On se dit juste que c'est un homme. Il est très fort, quand même. Il est très fort, mais voilà, c'est tourné un peu comme dans Impitoyable. Je trouve cette scène où on voit que c'est que la vraie violence, c'est un problème de rapport de vitesse. Et c'est pas celui qui est le plus rapide, c'est celui qui est le plus tranquille, finalement, qui l'emporte. Donc lui fait ça aussi tranquillement que servir un café. Mais en même temps, il a l'air dépassé par ce qu'il fait. On voit qu'il ne cherche pas la notoriété. Et c'est là où la machine se grippe. Et c'est une machine typiquement américaine. C'est que l'expansion de cette image au niveau national va le mettre, lui, en danger. Et on se comprend pour dire de la modestie et en réalité une prudence d'ancien criminel. Je vous dis, ces hommes étaient nous tuer. Ils étaient nous tuer. Et si ce n'était pas Tom, il est le héros. Police in conjunction with several murders in those states. Now, Tom Stahl is a family man with long-standing ties to this community. Tom Stahl was just another hard-working small business owner and operator in Millbrook, Indiana. But not... One of the guys had a gun to my head, and Tom, he was amazing. T'en as pas marre qu'on parle de moi sur toutes les chaînes? Bah, en fait, j'aime bien. Oh, regarde. Il y a ta photo dans le journal. Oh, c'est pas vrai. Attention. Mais chérie. Non. Est-ce que j'ai le droit de me lever? Oui, oui. Ça va. Ouais, bravo, Tommy. Bravo, bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Vous avez bien fait, bravo. Ma chérie. Oh, ils sont gentils. Super. Nous vous remercions d'être venus à l'hôpital. Félicitations. Bravo. Je suis à Millbrook, dans l'Indiana, devant la maison de notre héros Tom Stahl, qui arrive tout juste de l'hôpital avec sa famille. Monsieur Stahl, Jenny Wyatt de WRPK, bonsoir. J'ai une question à vous poser. Comment on se sent quand on voit les armes de ces tueurs fous braqués sur soi? Comment on se sent? Oui. Pas très bien. Pas très bien. Est-ce que la réaction que vous avez eue vous a surpris vous-même? Ce que j'ai fait... Enfin, tout le monde aurait fait ça. Là où Cronenberg est très fort, parce qu'on est à près de la moitié du film déjà, là, Olivier Pourriel, c'est que, inscrivant le film dans un certain genre de film américain qui a passé son temps à montrer l'omniprésence des médias et comment la presse et les journalistes peuvent envahir notre vie privée, on a ça depuis les comédies hollywoodiennes des années 40, eh bien, il attire l'attention du spectateur sur ce point, faisant passer au second plan la vraie question qui est celle de savoir pourquoi est-ce que ça gêne le personnage principal de répondre aux médias. Il a tellement notre adhésion, en disant « bah oui, qu'est-ce qu'ils viennent faire là les journalistes alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez lui ?» On a envie qu'ils partent, alors qu'en fait il n'a pas envie que les médias soient là parce que c'est lui qui est un ancien assassin, c'est lui qui se sent mal et qui voudrait se cacher. Oui, c'est à chaque fois ça me fait penser à cette phrase de Foucault dans « Surveiller et punir », il dit « la visibilité est un piège ». Et c'est vrai que dès qu'il y a une caméra de télévision, on sent qu'il y a un danger, mais on ne saurait pas expliquer pourquoi. Et là, dans ce film, le danger est double. D'un côté, ça produit une fausse image de ce que devrait être un héros, parce qu'au fond, on voit que l'héroïsme là consiste à tuer 2 personnes. Et devenir un héros en ayant tué des gens, ça pose un problème quand même. Ça veut dire qu'on est dans une société où l'héroïsme est un produit dérivé nécessairement de la violence physique la pire. Et qu'en même temps, au fond, tout le monde se sent autorisé, par la diffusion de l'exemple, à reproduire ce modèle. Donc un acte unique, local, se retrouve généralisé, universalisable. Et ça fait penser un peu à ce que disait Sartre, il disait « dans un monde sans Dieu, par chacun de ses gestes, devient exemplaire pour l'humanité entière. » Donc on est responsable, à chacun de ses gestes, de l'humanité entière. Et c'est un peu ce qui se passe là. On voit bien qu'en tuant deux personnes, d'abord, il va détruire sa vie, évidemment, mais il se propose comme exemple de violence généralisable, alors que lui a voulu se refaire en devenant anonyme et en se singularisant dans une famille particulière avec juste quelques êtres autour de lui. Et ça, c'est devenu impossible dans ce monde. D'autant que l'ironie est que si les Américains le tiennent pour un héros, ils ne savent pas alors qu'ils sont en train d'exhiber le fait que le mal vient de l'intérieur, parce qu'en fait, c'est un assassin qu'ils tiennent pour héros. Et oui, et dans tous les grands films qui traitent de la violence, on voit qu'il y a une violence qui est déjà là, qui est sous terre quelque part, qui est implicite, qui est déjà présente. Et puis bon, voilà, les États-Unis, on sait bien, c'est construit sur le meurtre des Indiens, donc on sent bien que la violence n'est pas très loin, même quand il y a tout l'artifice de la gentille famille, de la gentille maison, ça reste tout de même un enfer, quoi. C'est un enfer pavillonnaire. Que Cronenberg surjoue, en fait, dès le début du film. Est-ce que vous dites, c'est une famille parfaite, et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils en font trop? Ils en font trop, c'est-à-dire que chacun joue son rôle. Je parlais de Sartre, bon, vous connaissez cette page célébrissime dans L'être le néant sur le garçon de café qui en fait un peu trop. Eh bien, c'est une famille qui en fait un peu trop, où chacun en fait un peu trop, mais c'est surtout le père, en fait, qui en fait un peu trop. C'est le père qui va être en même temps la maman. En n'en faisant pas assez, d'ailleurs, en étant un peu en retrait. Oui, mais ça, le spectateur le sent, vous croyez, même quand on n'a pas encore vu le film, dès le début, on se dit, oh là, il y a quelque chose de louche. On sait parce que d'abord, il y a la manière d'installer, c'est-à-dire le premier plan sur la famille, c'est sur la boîte aux lettres qui s'appelle Stoll, donc même le nom, c'est Stoll, c'est installé, on est installé, on est tranquille. Il joue tous les clichés, c'est-à-dire tout ce qu'on a vu dans tous les films américains, dans toutes les séries américaines, la scène est jouée, c'est le départ à l'école, c'est le garçon qui va jouer au baseball, qui va être obligé. Donc c'est comme s'il y avait un pré-récit, il y avait presque, c'est comme la peinture par numéro, vous voyez, c'est le scénario de la vie américaine. Chacun doit cocher sa case. La fille, il faut qu'elle rentre dans l'équipe de majorette. Le garçon, dans l'équipe de baseball ou de foot. Il y a un moment où il faut affronter les autres. Il y a la scène de bagarre avec les casiers derrière. Bon, on a vu ça partout. Ouais. De Spider-Man enfin, tous les films nous montrent ça, ou à American Graffiti. Et on voit bien que cette obligation-là, eh ben, c'est ça le vrai terreau de la violence. C'est ce que nous dit Cronenberg, qui lui a un regard de non-américain. Enfin, c'est un anglo-saxon, mais canadien, quoi. Qui dit, voilà, c'est là que ça se passe. Et donc, il y a une forme d'ironie dans la manière de reprendre ces clichés et de nous les faire traverser avec pourtant cette très belle lumière. Et ces personnages, Viggo Mortensen, qui est à la fois le plus masculin, le plus féminin des acteurs, qui porte par sa douceur un truc hyper inquiétant et en même temps auquel on a envie de croire. D'où vient la violence? Écoutons la réponse de Cronenberg lui-même, puisqu'il nous fait l'honneur de... Alors, il vient souvent en France, et puis il accorde des entretiens qui sont vraiment de très haut niveau, donc on est ravis de pouvoir les diffuser aujourd'hui. Celui-ci, c'est sur France Inter en 2005. On va écouter la réponse de Cronenberg à la question de l'origine de la violence, et puis un autre extrait du film History of Violence, où cette fois-ci, c'est le fils de Viggo Mortensen qui se fait agresser par quelqu'un à l'école, il n'ose pas répondre, et puis tout d'un coup, un jour, il décide de rétorquer par la violence. Alors comment le père va-t-il réagir alors que son fils vient d'apprendre que c'était un assassin? Cronenberg d'abord, et puis la réponse du film ensuite. Des gens m'ont suggéré que le film montre la violence comme une maladie ou un virus. Et je dis non, ce n'est pas le cas. Il y aurait plus d'espoir si ça l'était, parce qu'alors, il pourrait y avoir un vaccin contre la violence. Mais le fait est que l'animal humain sain comporte une capacité de violence. C'est sain, ce n'est pas une maladie. Et par conséquent, c'est toujours là, prêt à s'exprimer. Et cette petite ville parfaite que nous avons dépeinte, c'est exactement le genre de ville que les jeunes essayent de quitter dès que possible, parce qu'ils la trouvent très ennuyante. Ils veulent aller dans une ville, une grande ville, où il y a du danger, de l'excitation, de la stimulation. Alors il faut se demander, si le monde était paisible, si les idéaux de Gandhi existaient réellement, est-ce qu'on pourrait vivre avec ça? Est-ce qu'on le voudrait? L'animal que nous sommes n'a-t-il pas besoin de danger pour être créatif, pour être excité, pour être vivant? C'est peut-être une pensée décourageante pour certains, mais je crois que c'est la vérité en ce qui nous concerne. On a même codifié ça dans la civilisation, on a le sport. La boxe, on a des moyens de civiliser la violence pour qu'elle puisse s'exprimer. Le cinéma, bien sûr, l'art et même la religion sont des débouchés pour l'expression de la violence qui peut être contenue par la civilisation et ainsi ne pas la détruire. Vous savez, selon l'expression de Freud, la civilisation, c'est la répression. What's he think of his wimp son? You think he'd take this shit? You think he'd make jokes? Go on, bitch, say something funny. Bobby, leave him alone. Shut up, skank. Uh-oh, he's getting mad. Jack, let's just get out of here, okay? Jack, he's an asshole, you know that. He doesn't mean shit, let's just go. Let's just get out of here, okay? Yeah, puss. Run away. Goddamn, I bet your dad'd be real shamed by you. Go ahead, bitch. Say something funny. Make me laugh. Okay, you motherfucker! Get over there, you son of a bitch! Come here. Are you laughing? Are you laughing now, you motherfucking god-sucking piece of shit? Enfin, qu'est-ce qui t'a pris? J'ai pas réfléchi. Oui, ça c'est sûr. Bobby me cherche à longueur d'année. C'est un con. C'est un con? Oui, c'est un con. Mais c'est pas une excuse. C'est pas parce qu'un mec est con qu'on peut l'envoyer à l'hôpital. Oh, ça va. C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et puis c'est cool, je suis pas renvoyé. Ce que tu as fait est grave. Ses parents vont peut-être nous attaquer, et un procès coûte la peau des fesses. On n'a pas d'argent, on s'en sortira pas. Oh, ça va, maman est avocate, que je sache. On s'en sortira bien. Écoute-moi bien, petit génie. Dans cette famille, on ne résout pas les problèmes en frappant les gens. Non, dans cette famille, on tire sur les gens. Jack. Et oui, comment apprendre à son fils à ne pas taper quand on est soi-même un assassin? Double ironie des propos ici, Olivier Pourriel. Dans cette famille, on ne résout pas les problèmes en tapant sur les gens. On réponse les du fils, bah oui, mais non, on les tue. Ouais. Et puis juste après, que fait le père? Il donne une claque au fils. Se donne en tort par là, c'est lui-même tape son fils pour dire qu'il ne faut pas taper sur les autres. Ouais. Et le plan d'après, c'est le père qui est seul avec le regret de son geste aussi. Donc, bon, on voit bien qu'il y a une mécanique, en fait, de la violence. La situation de départ, c'est la situation au lycée, où il y a quelqu'un qui vous provoque, qui en plus de ça, il lui parle de son père. Et ça, ton père aurait honte de toi. Parce exactement. Que tu ne sais pas te battre. Exactement. Donc, on voit bien que la généalogie de la violence, là, est convoquée de manière très directe et que le fils, s'il veut être digne de son père, doit répondre par la violence puisque c'est ce que vient de faire son père puisque, et tout le monde le sait. Et donc le point d'entrée dans la violence, c'est la référence à la loi du père, quoi, à la violence du père, auquel le père pourtant essaye d'échapper puisque lui s'est féminisé, a choisi la petite ville. Si on écoute Cronenberg, la petite ville, quand on a un homme, c'est ce dont il s'agit de s'échapper parce que la petite ville, c'est maternelle, c'est une bulle, c'est l'enfance. Et quand on veut devenir quelqu'un, devient un adulte, on est obligé d'en sortir, de la quitter. Hegel appelle ça la négativité. Et ce dont parle Cronenberg, c'est très beau quand il dit l'animal humain, il dit c'est vrai. Et Hegel appelait ça un animal en colère. En colère contre quoi? Contre le fait d'apparaître comme un animal. Parce que c'est un animal qui sait qu'il est plus que ça. Et quelle est la seule manière de le faire? C'est de mettre sa vie en jeu. Au fond, c'est la violence. C'est la violence gratuite. On dit toujours qu'il faut regretter quand la violence est gratuite. Or, la violence gratuite, c'est une invention humaine. C'est ce qui permet de prouver qu'on est un homme, comme on dit. Donc là, vous avez un exemple de violence gratuite. Et le père qui essaye de civiliser son fils lui dit, mais il y a d'autres moyens. Et en même temps, il vient de faire l'inverse. Donc il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Et entre les deux, ben finalement, cette scène-là, c'est une scène de cinéma. Donc que nous dit Cronenberg? Le vrai acte de civilisation, c'est lorsque la violence, vous allez la voir sur un écran pour en défaire les mécanismes. C'est exactement comme dans le traité des passions de Descartes, quand il vous explique les spirales de la tristesse ou les spirales de la colère. Le seul fait qu'on vous explique la mécanique des passions va vous permettre de prendre une distance. C'est déjà, premièrement, c'est consolateur, et deuxièmement, c'est éducatif. C'est-à-dire, on peut s'en défaire, mais il faut aller au cinéma. Alors, il y a surtout une réflexion sur le cinéma, mais aussi sur la transmission, parce que ce que le père découvre à ce moment-là, c'est que le fils va agir non pas en fonction de ce qu'il lui dit, mais aussi de ce qu'il a fait. Parce que les scènes d'agression de la part de l'autre jeune homme au lycée avaient lieu bien avant. Et jusqu'à présent, le fils répondait par la parole. Et c'est le jour où il apprend que son père a tué quelqu'un qu'il se met à frapper en retour. C'est aussi un aveu de l'impuissance du père à éduquer son fils tel qu'il le voudrait par la parole. Et le fait qu'on transmet quelque chose aussi par les faits, les gestes et donc le passé. Et c'est un aveu aussi de l'impuissance du langage, c'est-à-dire que le garçon jusque-là s'en sortait par l'humour. Et l'humour, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la minorité, quoi. C'est-à-dire c'est une manière de ne pas agir aussi. Et quand on remplace l'humour par l'action, bah, soudain les mots s'éteignent et il y a un passage à l'acte. Donc le père, évidemment, il essaye de transmettre quelque chose par les mots, mais comme le dit Cronenberg, l'animal humain, en fait, il suffit pas de lui parler, il a besoin de faire l'expérience personnelle de se frotter au monde, et se frotter au monde, c'est-à-dire se cogner au monde, se cogner aux autres. Le chemin qu'a fait le père, le fils va devoir le refaire en accéléré, mais il pourra pas, le père peut pas épargner la violence à son fils. Alors pourquoi est-ce que c'est une affaire d'homme? Vous avez dit l'importance du masculin chez Cronenberg, et en effet, la femme, on va y venir, joue un autre rôle, qui est celle de mère de famille et partenaire sexuel. Ce sera alors un peu différent dans Les promesses de l'ombre, mais quand même. Pourquoi est-ce que tout ça, finalement, cette question de la violence, de la transmission, sont nos affaires d'hommes chez Cronenberg? Alors chez Cronenberg, dans ce film, en tout cas. Partout au fond, c'est-à-dire on voit bien que même quand il parle du sport, Cronenberg comme manière de civiliser la violence, c'est-à-dire d'économiser les victimes. Mais on voit bien qu'on est dans une logique masculine d'affrontement avec une dette d'honneur. C'est-à-dire que quand on dit on va se parler entre hommes, on sait bien que ça va mal finir. Donc il y a une forme de contrat dans la masculinité archaïque, qui fait que une violence ne peut être que aggravée et rendue avec un intérêt. Et il faut une approche féminine, on pourrait dire aussi religieuse, hein, parce que René Girard a beaucoup travaillé sur cette question de la violence mimétique. Et ce qui désarme la violence mimétique, c'est un changement de civilisation qu'a apporté pour lui le Christ. C'est-à-dire que l'idée que si tu reçois une violence, tu vas pas répondre par une violence augmentée, mais tu vas, par exemple, si quelqu'un veut ta tunique, tu vas lui donner. Parce que tu perds peut-être ta tunique, mais tu économises l'entrée dans une spirale ultra négative qui détruit tout. Et donc c'est pas simplement féminin, c'est au fond aussi religieux. Même si Cronenberg évoque la religion comme une autre source de violence, disons qu'en tout cas, il y a une inspiration religieuse qui est de défaire le cycle mécanique de la violence. Alors pourquoi c'est masculin? Je ne sais pas si on peut répondre à cette question, mais en tout cas c'est la question qui est explorée par Cronenberg. Oui, et c'est la question qu'on aurait envie de lui poser à lui. Ouais. Pourquoi tous ces personnages incroyables qu'il propose très souvent sont masculins? On a le personnage d'Allegra Geller dans Existence, qui est un personnage très fort, mais on pourrait tout à fait imaginer cette histoire-là, celle que nous sommes en train de raconter aujourd'hui, avec une femme. La mouche, c'est un homme qui se transforme, c'est pas une femme. Finalement, ce sont beaucoup les hommes qui ont ces rôles principaux. Oui, mais je pense que c'est lié au sexe. D'ailleurs, les scènes de... Il y a deux scènes de sexe. Alors dans Crash, c'est vrai que les personnages de femmes sont tout aussi puissantes que les personnages d'hommes. Oui, mais Crash, c'est un film de genre, donc ça repose sur une espèce de fiction, quoi. Et on sait que le film est fait pour être dérangeant. Alors que dans History of Violence, je trouve que la relation amoureuse et érotique entre le couple, c'est un couple parental, mais qui est érotisé par la femme. La première scène, c'est elle joue la majorette, donc il rejoue une scène de lycée à laquelle ils n'ont pas eu droit parce qu'ils ont eu des enfants trop tôt. Donc c'est elle qui apporte l'érotisme, et lui est un peu en situation féminine. Et toute la beauté de ce film repose sur cette inversion de départ. L'homme est en position féminine, et on découvre que c'est parce qu'il a voulu quitter un monde masculin ultra-violent. Qu'il s'est surféminisé, qu'il a choisi la petite ville, il a choisi d'être serveuse finalement, servir du café aux gens, ça lui va, parce qu'il sait ce que c'est la vraie violence. Donc comme il est guéri de la violence, il n'a plus envie de jouer à l'homme pour rien. Et la deuxième scène, c'est une fois que sa femme a découvert qu'il était un monstre, elle l'aime encore quand même. Et il y a une scène entre ultra-violente dans des escaliers, mais c'est pas une violence de viol. C'est pas l'homme qui viole la femme. C'est un acte sexuel très violent, consenti de part et d'autre. C'est consenti de part et d'autre. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il y a une violence. Sur les marches d'escalier. Exactement. Donc, ça fait mal de faire l'amour dans des escaliers. Qui laisse une blessure sur le dos de la femme qu'on voit après. Ça laisse des traces, ça laisse des marques. Pourtant, elle n'a pas été battue. Elle combat son propre désir. C'est-à-dire qu'elle envie de continuer à aimer cet homme et elle le désire physiquement. Et en même temps, elle ne peut pas, elle n'a pas le droit parce que c'est un assassin, mais elle y va quand même. Donc ça dit quelque chose du désir qui est une transgression et ça dit quelque chose de l'amour qui est que, quel que soit ce qu'a fait l'autre, à un moment, on a quand même envie d'attraper son corps et de faire quelque chose avec lui, même si on l'a condamné, mentalement, moralement, on a encore envie de lui. Moi, c'est une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma. Hein. C'est extraordinaire, cette scène. Qui montre que parfois le désir est indépendant de toute forme de morale, hein, comme le dirait Cronenberg. On l'a diffusé sa voix hier où il disait que pour lui, la morale, enfin, il prenait une sorte de relativisme moral dans ce film. En tout cas, le but n'est pas de faire la morale ou la leçon, mais de montrer la puissance du désir. Alors, avant d'en arriver à cette scène sexuelle, il y a quand même une scène à l'hôpital, une fois que le personnage principal se réveille de ses blessures quand même, où bah, elle va lui demander la vérité, ce qu'il se passe, quelle est vraiment son identité. C'est quand même aussi, on ne l'a pas assez dit, un film sur l'identité qui passe par le nom, mais aussi par le passé. Écoutez cet échange, je disais que parfois Cronenberg donnait à entendre des formes de violence, même verbale, qui donnaient envie de vomir. Ici, c'est à prendre au sens premier, au pied de la lettre. Tell me the truth. What do you think you heard? It's not what I heard. Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as entendu? Ce n'est pas ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai vu. J'ai vu Joey. Je t'ai vu te transformer en Joey juste devant moi. J'ai vu le tueur dont Fogarty m'avait parlé. Tu avais bien tué des hommes à Philadelphie, n'est-ce pas? Tu l'avais fait pour l'argent ou tout simplement parce que tu aimais ça? Joey l'a fait, mais pas moi. Tom Stone n'a rien fait. Tu es un type qui souffre de schizophrénie ou quoi? Tu es tout blanc et à la minute d'après, tu es tout noir. Je croyais ne jamais revoir Joey Cusack. Ah oui, Joey! Où il était, caché ou mort? Je sais pas. Je croyais avoir tué Joey Cusack. Je suis parti dans le désert et je l'ai tué. Oh mon Dieu! Ça m'a pris 3 ans pour devenir Tom Stone. Il faut que je te dise quelque chose. Ma seconde vie a commencé quand nous nous sommes rencontrés. Avant, je n'étais rien. Je n'en crois pas un mot. Je ne crois plus à rien. Je n'arrive surtout pas à croire qu'un truc pareil puisse m'arriver à moi. Tu n'as pas grandi à Portland? Tu ne parlais jamais de tes parents adoptifs parce que tu n'as pas été adopté? Et le nom que tu portes, nom d'un chien, c'est aussi le mien, c'est pas vrai. Jack s'appelle Stoll. Sarah, tu y as pensé? Stoll! Tom Stoll! C'est un nom inventé de toutes pièces. D'où est-ce que ça vient? Dis-le-moi. Il était disponible. Ouais. J'étais disponible, moi aussi. To stall en anglais, c'est caler. Juste pour la connaissance de ce terme peut permettre de comprendre peut-être la position du personnage. Et puis un autre point, puisqu'on parle la langue anglaise, le film s'appelle A History of Violence et non pas A Story of Violence. C'est bien l'histoire et non pas avec un grand H, on va dire, et non pas un récit de la violence. En anglais, on emploie l'expression He has a history of violence. Ça veut dire il a un casier judiciaire en gros. Il a un passé violent. Et c'est exactement ce qu'on apprend dans cet extrait, où la vérité fait littéralement vomir le personnage féminin. Oui. Oui, et il y a aussi ce mythe typiquement américain de la réinvention de soi. C'est-à-dire c'est le pays du self-made man, c'est le pays où on peut se réinventer, et c'est un pays où il n'y a quasiment, enfin, je dis pas que des anciens criminels, mais en tout cas, tous les Européens qui sont venus aux États-Unis, c'était pour se réinventer. Donc c'est vraiment un mythe fondateur des États-Unis, et il y a ce côté presque comique. On a l'impression qu'il a choisi son identité sur un rayon dans un magasin parce que c'était disponible. C'est quoi être disponible? Alors juste ce mot-là, je trouve extraordinaire en termes d'économie, de narration. Parce que de la même manière que là, on l'a entendu vomir, on avait l'impression d'y être, mais dans le film, on la voit pas vomir, on entend le son et elle est dans la salle de bain de la chambre. Et au fond, c'est une salle de bain qui n'existe pas. C'est juste une porte décor et avec le bon angle. on peut avoir une grande économie et juste avec un son, avoir une image qui est, qu'on a besoin de montrer. Et là, le mot disponible fait comprendre que cet homme qui vient d'un univers criminel, il y a tout un monde souterrain. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est juste la partie émergée d'un iceberg. Et il y a un monde criminel souterrain dont il vient, ce passé, ce passif, ce continent noir. Il suffit de dire disponible pour imaginer comment ça se fait qu'un nom peut être disponible. Est-ce que c'est quelqu'un qui est mort? Est-ce que c'est quelqu'un à qui on l'a volé? Est-ce qu'on l'a inventé? Comment on a fait des faux papiers? Comment on fait une fausse famille? Comment on lui invente une histoire qui est une histoire de mensonge? Et en même temps, il y a cette idée de rôle à remplir. Il dit, il m'a fallu 3 ans pour devenir. Et au fond, c'est pas du mensonge, parce que si on met 3 ans à devenir, c'est que ça se travaille. Il est absolument sincère, ça, c'est sûr. Il est absolument sincère, et c'est le personnage le plus sincère du film. C'est celui qui est pris pour le plus menteur, et c'est au fond celui qui désire sincèrement la vie de douceur qu'il a voulu. C'est pas une couverture, c'est un rôle qu'il désire remplir. Donc ça nous dit aussi que dans nos vies, il y a pas la vérité et le mensonge. Il y a différents rôles qu'on remplit avec plus ou moins de sincérité. Et ce rôle-là, il va mettre du temps à convaincre sa femme que c'est un rôle sincère. Et à la fin, elle va y croire. Voilà, et sans tout révéler, parce que bon, même tout ce qu'on dit n'enlève rien au plaisir de regarder ce film, qui est beaucoup plus riche encore que toutes les perspectives qu'on ouvre ensemble aujourd'hui, Olivier Pourriol. Il y a quand même un mot sur cette scène de fin, ouais. Qui est une scène ahurissante. Une des plus belles scènes du cinéma de tous les temps, même si le cinéma est un art récent. C'est une scène muette. On a donc un homme qui vient d'assassiner son frère pour se libérer de ce passé. Et qui hésite à rentrer chez lui. Donc c'est vraiment le retour du héros. Il rentre chez lui. C'est une scène où il garde sa veste. Donc il reste debout, il garde sa veste. Sa femme n'ose plus lever le regard sur lui, parce qu'elle sait que c'est un assassin, et elle sait ce qu'il allait faire. Elle veut pas qu'il revienne, en même temps elle l'aime, toujours. Mais ce sont les enfants. Alors c'est Hegel qui disait « les enfants sont la vérité de l'amour », et quand mon professeur de philosophie, Bernard Grenier, disait en fait la vérité chez Hegel, ça veut dire le résultat. Donc ne soyez pas trop romantique. Les enfants sont le résultat de l'amour, mais dans cette scène, on voit que c'est aussi la vérité de cet amour, où on voit la petite fille qui met l'assiette pour son père, le garçon plus âgé qui met quelque chose dans l'assiette de son père. Donc les deux enfants désirent le retour autour de la table. L'homme s'assied et leur regard se lève l'un vers l'autre. Et la femme qui craint de regarder ce qui est devenu l'homme qu'elle aimait voit dans ses yeux que l'amour est possible, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas vraiment de commentaires, ils pleurent tous les deux. Moi, c'est vraiment une scène extraordinaire. Et c'est dans le quotidien que ces retrouvailles se font. Elle avait commencé dans le quotidien, ça se termine dans le quotidien. Voilà. Cette force du domestique ou de la vie ordinaire comme étant la manière de autour de la colmater. Table. Oui, c'est ça. Autour de la table, et c'est un vrai film d'amour. C'est-à-dire qu'on connaît le pire de l'autre, mais on l'aime encore. Dans Les Promesses de l'Ombre, qui paraîtra 2 ans après, c'est l'inverse en fait. C'est pas un personnage un peu féminin et gentil qui va renouer avec son passé sombre. Ce sont des personnages masculins que l'on présente comme étant des mafieux, des gangsters qui n'hésitent pas à tuer. Et dont on va apprendre à mesure que le film avance qu'en réalité, ils ne sont pas ce que l'on croyait, comme dans A History of Violence, mais cette fois-ci de l'autre côté. C'est qu'en fait, du bien, du bon se cache derrière l'apparence de gangster de Vincent Cassel qui joue le fils du mafieux russe et d'autres personnages. C'est presque le revers, en fait, du premier film. C'est le revers et c'est un film aussi un peu plus ironique parce que le titre anglais c'est Eastern Promises, donc les promesses de l'Est. On voit bien, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Alors, est-ce que c'est les promesses de l'Orient même. Ouais, il y a une fille de l'Est, il y a une jeune fille qui est au fond vierge, qui se fait violer, qui accouche d'un enfant au départ. Bon, donc c'est un conte de Noël avec une forme d'ironie. C'est une vierge parce qu'elle a été violée qui accouche d'un enfant. Le 20 décembre, donc juste avant Noël. Voilà, que le responsable du viol veut assassiner. Et puis finalement, l'enfant s'en sort parce qu'il va être adopté pour une espèce de famille recomposée improbable entre un chauffeur infiltré de la CIA, on ne sait pas. Qui est un double espion. Voilà, une espèce d'espion double avec une femme qui, elle, est dans un rôle, pour le coup, féminin. C'est le rôle de la vierge chrétienne qui va accueillir un enfant qui n'est pas d'elle et en prendre soin. Et vous avez ce personnage de voyou joué par Vincent Cassel, qui prend l'accent russe pour parler anglais, qui est un personnage improbable avec des tentations homosexuelles. Et avec toute cette réflexion sur le fait que si on suit la filière masculine avec une fausse image de virilité et qui vient de l'Est, on va vers le meurtre. Et par contre, si on va dans l'autre sens, avec quelque chose de féminin, même si celui qui est soupçonné d'homosexualité par son propre père se laisse aller à son penchant de protection, finalement, son penchant humain. Parce que le penchant féminin, c'est-à-dire que c'est un penchant humain. les hommes sont inhumains parce qu'ils se contentent de se comporter comme des choses, ils obéissent à la mécanique. Et sortir de la mécanique, ça veut dire devenir féminin, quoi. Donc le devenir féminin du monde, c'est un devenir humain. Et c'est ce que montre aussi ce film, avec plus d'ironie. Oui, mais c'est peut-être les limites de ce film en particulier. Déjà à la fin, quand le personnage de la femme joué par Naomi Watts recueille la petite fille, elle met une robe blanche et fleurie, comme si dès lors qu'on devenait mère, on devenait féminine, comme s'il fallait avoir une robe pour être féminine. Et puis, vous disiez à propos de History of Violence, ce léger surjeu, hein, comme le garçon de café, le fait que la famille en fait trop. Dans Les Promesses de l'Ombre, c'est encore plus frappant, à tel point qu'on se demande si c'est intentionnel de la part de Cronenberg. Je ne sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais il y a comme une non-coïncidence entre l'histoire et les personnages qu'on n'a jamais ressenti avant dans les films de Cronenberg. On a pu le ressentir dans La Mouche. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le film de genre qui remet sa cape comme ça de jeu, et on sent que chacun joue un rôle. Et d'ailleurs, même le personnage le plus sincère, donc encore une fois joué par Viggo Mortensen, est un agent double. Donc il est sous couverture et il risque sa peau pourtant. Donc il obtient des étoiles sur sa peau, il se fait tatouer. Donc c'est un mensonge tatoué et c'est quelqu'un qui est au service d'une vérité et prêt à mentir. Donc tout le monde ment dans ce film. Vous avez Armin Müllerstahl, le père de Vincent Cassel dans le film, donc le méchant, quoi, qui est pourtant déguisé en grand-père gentil. Il surjoue son rôle de gentil, tout le monde surjoue. Et pour moi, c'est un conte de Noël ironique, parce que ça finit par, au fond, il est né le divin enfant. C'est pas qu'il est né, il est né d'une vierge qui était violée, et on empêche un voyou de la balancer dans la Tamise. Donc il y a une ironie qui est structurelle, évidemment, et qui est... c'est même pas le revers de History of Violence, c'est une autre manière de répondre au parrain de Coppola. Je crois vraiment que c'est une réponse à ce film, c'est la violence dans la famille qui fait naître du crime. Comment on fait pour en sortir ? Mais ne trouvez-vous pas qu'il perd un peu en subtilité toute la finesse d'analyse qu'on a montrée dans History of Violence ? Est-ce qu'on la retrouve dans Les Promesses de l'Ombre ? On trouve d'autres choses. On va plus vers la violence physique avec Viggo Mortensen qui et encore cette une scène fois mémorable est... dans le sauna. Ouais, voilà. Effectivement, quand on a vu le film, on se souvient de cette scène où Viggo Mortensen est nu et se fait tabasser dans le sauna et il arrive à s'en sortir. C'est la scène de plus grande violence probablement de tout le cinéma de Cronenberg, et juste cette scène est inoubliable. Un homme nu qui se défend contre des types armés de couteaux et habillés. Dans un sauna, on est entre la chorégraphie, on est entre le film d'arts martiaux, on est dans une espèce de cruauté hallucinante. Et je pense que tout le film s'articule autour de cette scène. Cronenberg a dû vouloir tourner cette scène et Viggo Mortensen a dû vouloir la tourner aussi. Et le reste, c'est le rayonnement autour de ce noyau. Bon, on va se quitter avec cette scène au sauna qu'on n'entendra pas, qu'on laissera aux auditeurs le soin d'imaginer ou d'aller regarder ce film. Dans la scène, en effet, Viggo Mortensen met un couteau sous le crâne d'un personnage et l'enfonce le crâne sur le couteau. Dans la chanson que nous allons entendre, c'est pas un homme qui coupe un autre homme, c'est Dieu qui va vous découper si vous agissez mal. C'est Johnny Cash qui le chante. You can run on for a long time, run on. For a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Merci beaucoup Olivier Pourriol d'être venu nous parler de Cronenberg aujourd'hui. Merci beaucoup de votre invitation. Mais je renvoie les auditeurs à plusieurs de vos livres. Alors Cinéphilo, on en a parlé en début d'émission, Les plus belles questions de la philosophie sur grand écran, on trouve ça aux éditions Fayard. Et puis récemment, il y a quelques mois, à cette rentrée, est paru votre dernier ouvrage chez Michel Lafon, Facile, l'art français de réussir sans forcer. Ça, c'est pas pour parler des héros de Cronenberg. Merci Olivier, à bientôt. Merci. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Halloween. Cette fête est principalement célébrée dans le monde anglo-saxon. notamment aux États-Unis. Mais elle gagne de plus en plus la France, où, s'il n'est pas encore courant de voir des enfants courir d'un appartement à l'autre déguisés en monstres et réclamant des bonbons, il est en revanche devenu fréquent de se faire inviter à des soirées costumées. Il est vrai que chez nous, la tradition consistait plutôt le 1er novembre à fêter la Toussaint et le lendemain à aller fleurir la tombe des membres de sa famille. Raison pour laquelle l'Église catholique a longtemps été hostile à la diffusion en France de cette fête païenne, bien trop païenne. Et pourtant, cette fête si étrangère à nos traditions correspond, semble-t-il, à un besoin humain très profond, qui est celui de jouer à se faire peur. L'homme est l'animal qui a la capacité de rêver, mais aussi celle, très surprenante, de cauchemarder. En effet, rien ne paraît plus absurde et inexplicable que ce phénomène, que cette torture que le cerveau nous inflige en nous faisant faire des cauchemars. Pire encore, nous passons parfois des nuits de terreur et sommes prêts à réitérer l'expérience à la lumière du jour en allant nous enfermer dans des salles de cinéma pour regarder des films d'horreur. D'ailleurs, l'industrie du film d'horreur ne s'est jamais aussi bien portée. En témoigne la sortie sur les écrans, la semaine dernière, du film Halloween, un remake du classique de John Carpenter de 1978. Dans ce film, vous vous en souvenez sans doute, une petite ville américaine était terrorisée la nuit d'Halloween par un tueur psychopathe masqué qui s'était évadé d'un asile où il avait été placé parce qu'il avait tué sa grande sœur. En réalité, depuis quelques années, Hollywood a découvert que le cinéma d'horreur était l'un des derniers genres qui pouvait ramener les adolescents américains dans les salles de cinéma. D'où la production et le succès de films comme Get Out, It ou encore plus récemment La Nonne. Mais le succès de l'horreur ne se limite pas aux salles de cinéma. Les séries télévisées d'horreur sont légion, des Walking Dead à Stranger Things ou la toute dernière série The Haunting of Hill House. On redécouvre également des classiques de l'horreur, non seulement les films des grands cinéastes officiels Kubrick, Polanski, Hitchcock, mais aussi les séries B, les films de vampires, de zombies, ceux de Dario Argento ou de Mario Bava. Netflix vient d'ajouter Shining à son catalogue. On célèbre même les 200 ans de Frankenstein, inventé par la romancière Mary Shelley. Bref, l'horreur est partout. Elle nourrit même l'œuvre de ceux qui ne s'y cantonnent pas. Michel Houellebecq a écrit son premier livre sur le romancier Lovecraft, dont il dit qu'il a été aussi important pour lui que Dostoïevski. Emmanuel Carrère a commencé sa carrière en écrivant des articles pour Positif sur le mythe de Frankenstein au cinéma. Ce n'est pas ici sur France Culture que nous apprendrons aux auditeurs que les mauvais genres sont désormais reconnus comme partie intégrante de la culture. Kafka lui-même n'était-il pas, sous une forme sophistiquée, un écrivain d'horreur ? Alors, à quoi tient cette présence de l'horreur dans nos vies, dans nos lectures, dans nos divertissements, dans nos rêves et dans nos fêtes ? La réponse se trouve peut-être chez Aristote. Parlant dans sa poétique, du genre noble s'il en est de la tragédie, le philosophe l'a définie par cette phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. La tragédie, au moyen de la terreur et de la pitié, opère la purgation, en grec la catharsis, de ces mêmes passions. Cette phrase a été abondamment commentée et interprétée, et il ne nous appartient pas ici d'en donner le sens définitif. Mais l'on comprend tout de même que la tragédie nous fait éprouver des sentiments de terreur et de pitié, et qu'en les éprouvant dans le cadre d'une représentation théâtrale, nous sommes moins amenés à les éprouver dans le reste de notre vie. Nous sommes en quelque sorte apaisés. Les cauchemars ou les films d'horreur semblent ainsi relever de cette catharsis. Ils sont comme un grand égout pour notre esprit qui se purge à travers eux de la violence de ses passions. Cette purgation serait un besoin humain qui expliquerait notre passion pour le fait de jouer à se faire peur. Cela étant dit, il nous faut tout de même remarquer que l'horreur semble un genre bien plus anglo-saxon que français. Les grands succès récents du cinéma d'horreur attirent beaucoup moins de spectateurs chez nous qu'outre-Atlantique. Même nourris à l'œuvre de Lovecraft ou de Philip K. Dick, les écrivains français écrivent des ouvrages réalistes où le surnaturel n'intervient pas et où l'horreur, si elle existe, est bien plus quotidienne, psychologique. Et la fête d'Halloween, malgré tout, n'a pas conquis la France. Il y a un fantastique français, souvent de très grande qualité, mais il est moins mainstream, si l'on nous permet l'expression, que dans le monde anglo-saxon. Nous préférons les drames réalistes pour purger nos passions. S'agit-il là d'un reste de notre fameux cartésianisme ? À vous de juger. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Colomba Grossi, Anaïs Isbert, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie. C'est Philippe Baudouin qui a réalisé cette semaine avec Jacques Azubert à la prise de son. Aujourd'hui, On se retrouve non pas demain, car demain, 1er novembre oblige, en lieu et place d'une quatrième émission sur Cronenberg, vous aurez la messe, les programmes de la Toussaint, diffusés par France Culture à 10h donc. Alors rendez-vous vendredi, où ce sera Anastasia Colosimo qui sera à ma place à ce micro pour un numéro de Profession Philosophe en compagnie de Blandine Kriegel. Vous retrouverez également Anastasia Colosimo la semaine prochaine pour une semaine, une série d'émissions sur le Moyen-Âge. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi 9 novembre en compagnie de Claudine Tiercelin. D'ici là, pour écouter cette série d'émissions sur Cronenberg, eh bien sachez que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, vous pouvez tout réécouter en ligne et télécharger, podcaster chaque émission afin de l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, dans le lieu et à l'heure de votre choix. Rendez-vous vendredi à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.